Vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple sur CKRL au 89,1 et l'émission va se poursuivre avec Aurélie Lévy d'ailleurs, qui nous amène des nouvelles de l'Université Laval. Bonjour Aurélie. Bonjour Valérie. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de, d'ailleurs c'est en plein la saison, hein, tu vas nous parler de l'industrie acéricole. Oui, tout à fait. Forcément, je me suis dit, allez, un petit sujet de saison, tout le monde part aux cabanes à sucre les fins de semaine. Ouais. Donc, jetons un petit coup d'œil sur cette industrie qui est l'industrie acéricole. Et il n'y a pas que moi qui ai eu l'idée apparemment, c'est-à-dire c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est le professeur Maurice Doyon du département d'économie agroalimentaire de sens de la consommation qui a fait un rapport sur les retombées économiques de l'industrie acéricole. Alors, il faut savoir que la recherche, en fait, à l'université, souvent on parle de recherche médicale, on dit « Ah voilà, on a trouvé un nouveau gène, on a trouvé un nouveau médicament pour guérir de telle et telle maladie ». Mais la recherche, c'est aussi d'observer et d'analyser, fin de compte, notre monde dans lequel on vit pour mieux le comprendre. Et donc, ce type de rapport, ça sert aussi à ça, de faire, donc, de voir c'est quoi les retombées de cette économie pour pouvoir mieux la comprendre et comprendre mieux la place du Québec et puis son avenir pour qu'on puisse justement évoluer dans les meilleures conditions par rapport à l'évolution du marché mondial. Donc, ça sert aussi à ça, la recherche. Et ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu d'études qui avaient été faites sur les retombées économiques de l'industrie acéricole. Donc, M. Doyon s'en est occupé avec ses collaborateurs. Ils ont donc remis les pendules à l'heure et ils ont analysé la période donc des 20 dernières années. Donc, qu'en est-il? Alors, qu'en dit-il? Ça vous intéresse? Ben oui. Moi, j'ai appris plein de choses. Alors, je savais qu'on était des gros producteurs au Québec de sirop d'érable. Mais, par exemple, j'ai appris que la production québécoise représente 94% de la production canadienne de sirop d'érable et 77% de la production mondiale. Donc, ça veut dire plus que 7 cannes sur 10 sont produites au Québec de cannes qui circulent dans le monde entier. Ouais. Ouais. C'est vraiment énorme en termes de quantité. On n'arrête pas de parler de production de certaines choses. Ben, nous, on est les maîtres de la production du sirop d'érable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a juste des érables à sucre chez nous. L'érable à sucre, en fait, il y en a dans le sud de l'Ontario, dans les Maritimes, dans l'est des États-Unis. Il y en a à la frontière canadienne, à peu près jusqu'en Caroline du Sud aux États-Unis. Mm-hmm. Alors, on voit qu'il y en a ailleurs, mais c'est vraiment au Québec que cette industrie s'est développée. En termes d'outils, c'est là où on a les outils à la plus pointe de la technologie. Mm-hmm. Puis, avec des volontés vraiment il y a beaucoup d'entreprises, des fois de petite taille, par leur nombre, par leur densité, ça fait qu'on est le plus gros producteur de sirop d'érable. Oui, c'est ça, parce que quand on va dans les cabanes à sucre, en tout cas, ou dans les, même celles qui ne sont pas ouvertes au public, mais qui sont, familiales, là, c'est pas une, individuellement, là, les chaque cabane à sucre, c'est pas une grosse industrie, là, c'est vraiment une petite cabane, c'est familial, c'est une petite cabane, et puis finalement, tout ça contribue à une grosse production. Oui. Il faut se dire qu'en termes à peu près de producteurs, là, c'est plus de 13 000 producteurs acéricoles qu'il y a à travers le Québec. Mm-hmm. Qui sont à peu près, il y en a certains qui sont regroupés ensemble en entreprises. C'est à peu près presque 7 000 entreprises différentes qui travaillent, qui vendent le sirop d'érable. Alors, c'est énorme en termes de nombre d'entreprises. Donc, on voit qu'on a une densité énorme qui nous permet d'utiliser cette ressource au maximum. Ouais. Puis, en termes financier, là, la récolte en 2009, en termes financiers, ça a rapporté 276 millions de dollars. Alors, par rapport à il y a 20 ans, parce que justement, cette étude, elle est là aussi pour comparer la dernière connaissance qu'on avait, en 90, la valeur de la production, c'était de 39 millions de dollars. Ah oui. Donc là, on est à 276, on voit l'évolution de la proportion. Ouais. La production mondiale de sirop d'érable a augmenté de 165% durant ces 20 ans et celle du Québec a augmenté de 190%. Alors, on voit que dans le monde, on en produit de plus en plus de sirop d'érable, mais au Québec, on en produit encore plus que ce qu'on produisait avant. Alors, on reste toujours les chefs de file dans ce domaine-là et financièrement, c'est sûr que ça nous rapporte de l'argent. Ce que disait l'étude aussi, c'est que l'argent qui est rapporté, c'est peu par rapport à l'ensemble du secteur agricole québécois. Mais c'est quand même des emplois qui vont générer une activité durant une période où l'économie, en tout cas encore plus l'économie agricole, tourne au ralenti. Parce que ben, actuellement, il n'y a pas grand-chose qui sort de terre. Il n'y a pas grand-chose à récolter, oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est un revenu intéressant. Et l'autre chose... Aurélie, oui? En fait, est-ce que le principal marché, c'est le Québec ou c'est surtout l'étranger? Est-ce que, en exportation, l'étude n'en parle pas vraiment, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une vraie demande mondiale parce que, fin de compte, la conclusion de cette étude, c'était de dire que cette position-là, ce que ça nous permet, c'est que ça nous permet de dicter le prix mondial du sirop d'érable, vu que on est le principal exportateur, fin de compte, de ce produit. Donc, je pense qu'il y a une vraie demande à l'extérieur, dans les autres pays. Vu que la production mondiale augmente, c'est sûr que c'est pas les Québécois qui absorbent toute cette production. J'espère que non. Ah, et non, parce que là, sinon, on va tous se transformer en grosses cannes géantes. Mais comme quoi, on n'arrête pas de parler des Émirats arabes unis ou de pays qui contrôlent le prix du baril du pétrole. Mais nous aussi, au Québec, on a un pouvoir, on contrôle le prix de la canne de sirop d'érable. Belle nouvelle. Donc, voilà. On appelle ça de l'or brun, tu sais. Ouais, de l'or doré. De l'or doré. Oui. Ouais. N'empêche que c'est quand même meilleur pour la santé que le pétrole. Ah, oui. J'ai jamais bu du pétrole, hein. Ben, moi non plus, mais pour la santé, c'est quand même pas terrible, ouais, tandis que le sirop d'érable. Hein. Ouais. Voilà. Aurélie, tu as juste deux petites minutes pour ta deuxième nouvelle sur les courriers du cœur. Oui, alors très rapidement, c'est juste parce que c'est une petite partie du journal. Moi, quand je reçois le journal, les courriers du cœur, ça me fait plus rire qu'autre chose, mais je ne voyais pas trop. Jamais on m'aurait dit « Ah non, mais c'est un réel intérêt. » Pardon. Ouais. Eh bien oui, c'est un réel intérêt. Parce que là, il y a eu des recherches qui ont été faites par Nancy Couture, qui s'est penchée sur plus de 400 questions adressées par des hommes dans les courriers du cœur de 1929 à 2000. Qu'elle s'est rendue compte qu'en analysant ça, il y a eu une réelle évolution des questions posées qui correspondent à une évolution et qui est révélatrice des transformations sociales qu'a connues le Québec au cours des dernières années. Alors, comme quoi, les courriers du cœur, ça peut nous apprendre plein de choses. Ah oui. Et donc, l'étude montre très rapidement que dans les années 30-40, les hommes se questionnaient sur leur habillement et les comportements adoptés, par exemple lors d'un deuil. Puis après, dans les années 50, on s'est mis à parler de sexualité de moins en moins timidement. Dans les années 70, les questions reliées aux revendications féminines, on sent là que le mouvement féministe a pris sa place et donc les hommes se posent des questions. Et il y a aussi des questions de divorce qui arrivent, des choses dont on ne parlait pas avant. Puis dans les années 80, c'est la quête du sens, la complexité des relations humaines, les problèmes d'emploi qui s'installent. Et dans les années 90, le désarroi de l'homme face à cet homme qui prend part active aux travaux ménagers et aux soins des enfants. Donc, fin de compte, par les courriers du cœur, pas le temps de tout analyser, mais pour en faire rapidement, c'était vraiment une étude très intéressante parce que ben c'est par des petites choses simples comme ça qu'on peut observer notre société et voir comment elle a évolué et quelles traces elle a, fin de compte, sur nous au quotidien. Ouais, donc c'est un matériau d'étude, finalement. Maintenant, ne lisez plus les courriers du cœur avec les mêmes yeux, s'il vous plaît. Dites-vous que c'est l'analyse de votre société qui est en jeu. C'est une sociologie. On va peut-être les écrire différemment, alors, sachant cela. Alors, je ne sais pas. On va observer ça dans les prochains jours s'il y a une évolution des courriers du cœur. Ouais. Ben, je suis désolée, Aurélie, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Alors, peut-être à une prochaine fois, sachant qu'il y a des événements dans ta vie qui arrivent. Alors, peut-être à une prochaine fois. Oui, si ça me le permet, je serai là pour les auditeurs et puis sinon, la saison prochaine. D'accord, merci beaucoup Aurélie. Au revoir.